traversée. Et toujours mon cœur bouge à Monument Valley. À l'instant, Monument Valley sur l'album Le Cœur d'un Homme, paru le 12 novembre 2007 et qui est le 45e album studio de John Hallyday et le premier chez Warner. Et la tonalité générale du disque est imprégnée donc de blues rock et de ballades. Il a été enregistré à l'Ocean Studio à Burbank et au studio parisien Omega et Yellow Sub. Cet album a été mixé par Bob Clearmountain et réalisé par Yvan Cassar qui signe également les arrangements. Et avant Le Cœur d'un Homme, Johnny était depuis longtemps chez Universal Music, maison de disques historique de ses grands succès, mais en 2006, il décide de changer de maison de disques pour rejoindre Warner Music France. Et ce transfert n'était pas anodin. Il marquait une volonté de renouveau artistique et une certaine frustration vis-à-vis d'Universal qui ne croyait pas au potentiel commercial d'un album de blues. J'ai proposé ce disque à Universal. Ils en ont pas voulu. Alors je suis allé chez Warner confier Johnny Hallyday. Et ce refus s'explique par le fait que Le Cœur d'un Homme s'éloignait des standards commerciaux habituels. Pas de tube calibré, pas de variété pop, mais un hommage sincère au blues américain, un genre jugé trop de niche pour le grand public français. On écoute Johnny, c'était dans l'émission Le Grand Journal de Canal+, le 12 novembre 2007. Johnny, vous nous étonnerez toujours, vous avez réussi votre pari, vous vouliez faire un disque de blues depuis un petit moment, la maison de disques précédente Universal n'y croyait pas trop, puis vous avez changé, vous êtes chez Warner et c'est un pari réussi. Vous avez des critiques magnifiques pour cet album qui sort aujourd'hui et qui porte un très beau titre qui s'appelle Le Cœur d'un Homme. Qui a trouvé le titre de l'album? Le titre de l'album, c'était... c'est ma femme, c'est Laetitia qui a trouvé cet album. Moi, j'étais parti sur des noms. Je voulais chercher un nom de blues pour trouver le nom de l'album. Mais finalement, j'étais parti sur une fausse route. Et puis Laetitia m'a dit, écoute, c'est un album qui te tient tellement à cœur depuis si longtemps. Il vient de ton cœur. C'est le cœur d'un homme. Et finalement, j'ai dit bravo, c'est elle qui a trouvé le titre. Alors, c'est quoi le blues? Comment vous définissez ça? Je pense que c'est une musique et des chansons pour des gens qui ont vécu plutôt. Bon, il vaudrait mieux avoir vécu un petit peu, oui, pour il y a des choses, des histoires de la vie, des choses, je veux dire des choses qu'on a pu vivre dans sa vie. Mais on peut pas parler d'amour ou de déception si on n'a pas vécu l'amour et les déceptions. Donc c'est plus facile quand on les a vécues, effectivement. Alors cet album, vous dites, est pour moi une façon de payer mes dettes à toute la musique que j'aime. Ça veut dire que vous avez fait des styles très différents dans votre, enfin, très différents. Il y a eu quelques styles différents dans votre carrière de chanteur parmi tous les disques. Et là, vous êtes, c'est ce que vous aimez le plus. C'est l'authenticité de la musique. Oui, bien sûr, parce que ça fait partie de ma culture. Vous savez, un artiste, un chanteur, quand il chante, quand il fait une carrière aussi longue que la mienne, on ne peut pas chanter toujours la même chose. J'ai chanté beaucoup de styles différents parce que ça s'adaptait à l'époque où je les faisais, parce que, voilà, et puis j'étais content de les faire au moment quand je les ai faites. Mais disons que maintenant, je suis arrivé à un moment de ma vie où j'avais envie... Pour me ressourcer, j'avais besoin de retrouver mes racines. Donc cet album, je l'ai voulu, je l'ai fait avec mon cœur. Je suis entouré d'une équipe de musiciens formidables qui sont le top du top dans ce style de musique-là. C'est enregistré à Los Angeles, produit par Yvan Cassar. Vraiment, et ça m'a redonné une énergie. Et comme dit Goldman, ça m'a donné l'envie de avoir envie de refaire des choses. Et vous aviez un peu perdu ça sur les précédents albums? Oui, sur la longueur. Parce que vous savez, bizarrement, j'étais toujours en train, quand je montais un spectacle, j'étais toujours en train de chercher dans les derniers albums des chansons. Et finalement, je retombais toujours sur les anciennes, plus anciennes chansons. Pour que ce soit, pour que sur scène, ce soit scénique. Et je me suis dit, bon, il est temps vraiment que je fasse l'album quand j'ai envie de le faire. Et ironie du sort, l'album sorti le 12 novembre 2007 sera double disque de platine en quelques semaines. Il prouve que Johnny avait raison de suivre son instinct artistique, même contre l'avis des maisons de disques. Je voulais faire un disque qui me ressemble, un retour aux sources, pas un disque pour plaire à la radio, disait Johnny Hallyday. Sauf que Johnny Hallyday n'amènera pas cet album-là sur scène. Il fera à l'ailleurs des télévisions avec, notamment un taratata, mais aucune chanson de cet album-là ne verra la scène. On continue la programmation de John Hallyday qui est aussi teintée de blues. Hallyday by Hallyday. Envoie-moi la musique. We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Johnny Hallyday just arrived in Nashville for a hooba hooba. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny en live. Johnny à Bercy en 1980. Au Zénith en 1985. Le 2 février exactement. Et ce titre, Quand un homme devient fou. Gros de fumée. Gros de pluie dehors. Qui m'a dessiné ton corps, un drôle d'alcool marque sur ma peau, ton prénom comme au couteau dans mon musical. Toutes les nuits, la star c'est toi. Ouais. Ton absence et ton silence qui n'en finit pas. Jusqu'au bout de ma vie. Et sont à nos heures. Vous êtes bien sur RIG, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Nous écoutons à l'instant Quand un homme devient fou, Johnny Hallyday au Zénith en 1985. Et revenons à l'album de la semaine qui est Le cœur d'un homme, sorti le 12 novembre 2007. On va découvrir, ou si vous voulez préférer, redécouvrir l'album Le cœur d'un homme avec Johnny Hallyday et Yvan Cassar, car on va avoir quelques titres de l'album et aussi en même temps les commentaires sur l'enregistrement de tel ou de tel titre, mais on va écouter tout de suite Johnny pour l'introduction de cet album-là. Pourquoi a-t-il voulu faire un album blues ? Il y a quelques années que je voulais faire absolument cet album, pour pouvoir justement faire refaire, disons, la musique qui sont mes racines, en quelque sorte, qui viennent du blues, du boogie-woogie, de la musique texane. Le blues, c'est très varié. Alors, on s'imagine toujours, quand on parle de blues, que le blues, c'est le vieux blues des années 45, où c'était I'm gonna leave you baby, I'm gonna leave you tonight. Alors, mais le blues c'est pas que ça. Le blues c'est une panoplie de musique qui vont du sud à la musique cajun. Même le country ça fait partie du blues. Johnny Cash a fait plein de chansons de blues qui font partie du folklore américain. J'ai la chance d'avoir des gens en France qui sont des gens qui aiment la même musique que moi, comme Yvan Cassar, par exemple, avec qui j'en avais parlé déjà depuis 2 ans, depuis avant qu'on ait démarré la tournée précédente. Et lui était très intéressé de travailler aussi, de faire un album tendance blues, disons. C'est vrai que ça a été un long combat parce que c'est une musique difficile, exigeante et évidemment éminemment difficile à faire en français. Alors le blues traditionnel, comme on le faisait, comme je disais tout à l'heure, dans les années 45, on peut pas trop le faire parce que là, les paroles sont vraiment trop simplistes. On s'est dit, comment on peut faire le plus bel album possible qui ressemble le plus à Johnny, à toutes les musiques qu'il a aimées, écoutées et au grand interprète qu'il est. Donc moi, je voulais quand même faire un album blues, mais à la portée de tout le monde. Donc je dis pas blues commercial, mais blues à la portée de tout le monde, à la portée de des gens qui ont 15 ans aujourd'hui, ou de ceux qui ont 30 ans, ou de ceux qui ont mon âge. Un retour en arrière, en quelque sorte. Mais oui, entrons maintenant au cœur de cet album, Le cœur d'un homme, avec des extraits de chansons qui, et après on diffuse, juste après la petite interview, on diffuse le titre au complet. Il faut devenir un homme. Exactement. Mais quand vous enregistrez, par exemple, quand vous avez enregistré Être un homme, les prises de voix avec Yvan Cassar, ça a été assez long. En fait, vous êtes assez pointilleux et tous les deux, vous luttez pour aller au meilleur, tous les deux. Oui, parce que moi, j'ai une vision sur certaines choses, sur le phrasé surtout. Et lui, il en avait d'autres. C'est lui qui a écrit la musique, donc lui, il savait exactement ce qu'il voulait. Ça creuse des ravages. Ça creuse des ravages, votre chien. Ça creuse des ravages qui nous détruit. La plupart des chansons de cet album demandent vraiment un talent d'interprète. Vraiment, elles sont extrêmement exigeantes, tant autant de la dynamique, du phrasé, de la rapidité, le placement dans le rythme. Voilà, faire passer les émotions, le texte, plus toutes ces difficultés, c'est vrai que c'est... Voilà, et puis encore une fois, il me poussait toujours en me disant « Je veux que ça soit parfait, il n'est pas question qu'il y ait une note, un mot qui ne me plaise pas dans cet album. » Voilà, c'est voilà. Donc moi, mon but, c'était aussi de le soutenir et face à un mini découragement, dire « On continue, voilà, parce qu'il voulait voilà, atteindre vraiment une perfection dans sa manière de chanter. » Exactement. Et ouais, ben c'est pas normal pour moi, mais bon. Tu vois, je veux dire, c'est contre mon feeling. Bah alors, tu sais quoi, fais-le autrement. Parce que tout à l'heure, tu faisais décaler, ça m'a. Bah, tu vois. Et je veux dire comme ça. Bah oui, mais en même temps, faut, tu vois, si tu. Enfin, ça me va, moi, si c'est autrement. J'aime bien apprendre que je sais pas. La peur s'installe en nous. La peur. C'est bien, mais juste le son de la voix est un peu trop différent. Je sais pas ce que tu fais. Fais un truc pour faire mystérieux, tu veux. Non, mais c'est bien, mais du coup, t'as un peu. C'est pas, ça devient un peu du nez, je sais pas. Est un homme. On On a tous une façon différente de voir la musique, mais le principal c'est de s'accorder et puis finalement de faire au résultat de faire quelque chose de cohérent surtout. C'est pas mal cette mélodie, non? Ouais. Allez, une dernière pour notre plaisir et puis c'est fini. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. Ah, ouais. C'était difficile celle-là, mine de rien. Se lever enfin. Le blues, ce sont des. Ce sont des textes qui des textes simples qui s'adressent d'hommes à d'autres hommes ou à des femmes. Et ça parle de la vie, ça parle de la vie, ça parle de ses peines, ça parle de ses joies, ça parle de délivrance, ça parle de tristesse, d'espoir aussi. Non, ce sont des paroles humaines avant tout, des paroles qui parlent de la vie de tous les jours. Sans jamais se mentir. C'est... et les années 70. Je pense que je suis un chanteur de variété, revu et corrigé par le rock'n'roll, mais je ne suis pas un chanteur de rock'n'roll pur. Johnny en 1972 et ce titre, Tomber c'est facile, extrait de l'album Country Folk Rock. Vous écoutez RIG et là, radio de Johnny a aidé, Johnny de A à Z. Hey babe, dans tes amours, ne prends-tu jamais le temps en chemin de penser que tu vas trop loin? Arrête-toi. Tu ne fais que ce que tu veux. Mais comment peux-tu vivre avec tout ça? Tomber c'est facile lorsqu'on sait qu'on vous tend les bras. Et toi on sait que tu n'en manques pas. Et tomber c'est facile lorsqu'on sait qu'on vous tend les bras. Apprends par ses erreurs. Pour ton bien tu perds la mémoire et tout va très bien. L'amour comme un refrain te prend. Ne crois pas tout ce que tu entends, car ton rêve disparaîtra juste devant toi. Mais comment peux-tu vivre avec tout ça? Lorsqu'on sait qu'en boutant les bras, ouais. Toi tu veux de tout, tu te traînes dans la boue. Tu ne vis que pour la chair et c'est tout. Et si quelqu'un veut te garder, toi tu ne fais que passer. L'abandonnant tout comme un chien et sûr de toi. Et comment peux-tu vivre avec tout ça? Tomber c'est facile lorsqu'on sait qu'en boutant les bras. Et comment peux-tu vivre avec tout ça? Tomber c'est facile lorsqu'on sait qu'en boutant les bras. Revenons à l'album de la semaine qui est Le Cœur d'un homme, sorti le 12 novembre 2007. Et là, nous allons parler du titre Ma vie. C'est vrai que cette chanson, elle a été écrite dans la nuit. C'était la première chanson de Claude Zulu. C'était après un dîner, vous aviez dîné ensemble. Oui, on avait dîné ensemble avec Bruno. Et puis je lui ai dit un jour, je lui ai dit, écoute, tu devrais m'écrire des textes. Et puis on a beaucoup parlé ce soir-là, on a parlé un petit peu de la vie. Et il m'a écrit cette chanson dans la nuit, il m'a envoyé le texte. Ben voilà, donc on a changé quelques paroles pour que ça s'adapte à la musique, mais on n'a pas du tout changé le sens de la chanson. Je me positionnais pas du tout comme un compositeur dans cet album. J'étais vraiment le réalisateur. J'accompagnais le projet. Et puis il m'a donné ça, ça m'a inspiré. Avec mon ami Laurent Verneret, qui est bassiste aussi de son groupe, on s'est retrouvé autour d'un Wurlitzer. Voilà, en se disant tiens, travaillons. Parce que c'était un texte difficile, parce que très littéraire. Voilà, très fourni. Donc comment le mettre en musique. On a fini par trouver à faire une chanson. Et puis je lui ai fait écouter comme ça. J'étais pas sûr. Je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses. Et puis tout de suite il m'a dit j'adore. Les gens me parlent du passé. Je sens bien que le temps me chasse. C'est difficile à supporter. Je voudrais être encore cet enfant qui croyait à l'éternité. Je voudrais m'endormir comme avant, sans craindre de ne pas me réveiller. Oh ma vie, tu passes, tu t'enfuis. Ma vie, tu files, tu t'évanouis. Mais où sont tous ces gens que j'aimais? Je serai seul à tout jamais. Tout ce temps qui file ne revient pas. Comme un voleur, loin il s'en va. Et de toi, je n'ai aucun signe. La vie s'arrête et puis c'est fini. Comme un point au bout d'une ligne. On passe nos vies à faire des adieux. À 20 ans, je n'y croyais pas. Je t'ai si souvent parlé, mon Dieu. Sur cette terre, je n'ai plus que toi. Oh ma vie, tu passes, tu t'enfuis. Oh ma vie, tu files, tu t'évanouis. Et où sont tous ces gens que j'aimais? Je serai seul à tout jamais. Tout ce temps qui fuit ne revient pas. Comme un voleur, loin il s'en va. Pas plus bavard qu'un regard. On vous a dit tout petit les bons points, les fautes. Moi j'ai appris la vie dans le regard des autres. Il y en a des froids, des durs,

C'est une balade et c'était compliqué à l'enregistrer. C'est pas que c'était compliqué, c'est que je ne voulais pas. Parce que c'est très facile de chanter une belle chanson avec un beau texte, une jolie mélodie, et c'est facile que ça devienne tout de suite une chanson, comment pourrais-je dire, commerciale. Vous voyez, ce que j'ai pas envie de faire, enfin, je veux pas faire pour cet album en tout cas. Sera-t-il de ma voix devant l'Éternel? Que restera-t-il? Une des grandes qualités pour moi de toutes ces interprétations de cet album, c'est la dynamique de chant. C'est-à-dire que du pianissimo au fortissimo, de l'émotion pure dans sa retenue, dans l'intimité, à l'explosion de l'immense interprète. Et ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression que c'est un cadeau qu'il nous a fait pendant toutes ces sessions et qui a été vraiment une révélation et vraiment très très très très très émouvant. Et quand on parle de que restera-t-il, c'est vrai que vu la gravité du sujet, c'était une chanson qui était difficile à enregistrer, mais moi il m'est arrivé quelque chose d'incroyable, c'est que j'ai pleuré après la première prise. Et ça fait quand même quelques années que je fais ce métier, que je suis en studio à enregistrer des voix, ça m'était jamais arrivé de ma vie. Que restera-t-il de moi ? Écoutons ce titre, Que restera-t-il ? Un titre que Johnny a dédié à sa mère. Parfois je veux la vie d'un autre. Parfois je rêve d'une autre vie, d'une vie qui serait la nôtre, d'une vie qui serait la vie. Tant de fois je t'ai vu en larmes, tant de fois je t'ai vu heureuse. Le temps est là qui me désarme, et la mort un peu moins peureuse. Que restera-t-il de ma course autour du soleil? Que restera-t-il de toutes mes nuits sans sommeil? Que restera-t-il de ma voix devant l'Éternel? Que restera-t-il de moi? Après m'avoir aidé à vivre, aidé à croire et à chanter, sauras-tu m'éloigner du vide qui attend de l'autre côté? Oui, que restera-t-il de ma course autour du soleil? Que restera-t-il de toutes mes nuits sans sommeil? Que restera-t-il de ma voix devant l'Éternel? Que restera-t-il? Oh, dis-moi, que restera-t-il de moi? Que restera-t-il? Que restera-t-il? Que restera-t-il de ma voix devant l'Éternel? Que restera-t-il de moi? Thank you. Johnny et les années 60. Oh. Ah. Quel métier fatigant. Ton regard me rend si heureux. Et plus les heures passent, plus je te veux dans mes bras. Plus vite je me lasse des autres filles que je vois. Je ne vis plus que pour t'aimer. Que l'amour te rend bien plus jolie. Que la chance m'a souri. Et que l'amour te rend bien plus jolie. Bien plus jolie. Ouais. Plus je te regarde, Johnny Hallyday, en 1965, extrait de l'album Alléluia. Revenons à l'album de la semaine, nouvel extrait de Sarbacane, un titre que Johnny a repris de Francis Cabrel. D'abord, on n'a pas fait de vieilles chansons, on n'a fait que des chansons originales. La seule adaptation d'une chanson ancienne que j'ai faite, c'est la chanson de Francis Cabrel, qui est une chanson que j'ai toujours beaucoup aimée, que j'avais vraiment très très envie de faire, qui était Sarbacane, qu'on a voulu refaire, nous, dans une ambiance plus blues. C'est une chanson que j'ai toujours adorée, que j'ai toujours eu envie de chanter. Donc pour moi, c'était l'occasion de la faire dans cet album, avec des musiciens comme Dole Bramhall, qui est le guitariste d'Eric Clapton, qui nous permettait de donner un son blues à cette chanson, blues du Sud un petit peu. Notre parti pris, on en a beaucoup parlé avec Johnny avant de l'enregistrer, notre parti pris électrique prenait une vraie distance avec le parti pris acoustique de la version de Francis Cabrel. C'est une chanson que j'aime beaucoup, donc j'étais très heureux de pouvoir la faire dans cet album. Et puis te voilà, boule femme, comme soufflé d'une sarbacane. Toute la fin, là. Attends, c'est 12, hein. C'est la 12. Il a beaucoup, beaucoup travaillé parce qu'il voulait vraiment être content et que Francis Cabrel soit content de sa version. Enfin, il y avait un vrai respect. Je crois qu'il y a un vrai respect entre ces deux hommes. Yes. Bien. N'oublie pas, comme le roseau, comme un linzeau, c'est ça la mélodie, hein. Comme une liane. Comme le roseau. Je viens de le faire comme ça. Non, t'as fait comme le roseau. Ce que j'ai adoré, c'est finalement de redécouvrir complètement ce texte sous un autre éclairage. Le ciel s'est ouvert par endroits. Depuis toi. Retrouvons ce titre-là en live lors de l'émission Taratata en 2007.

trop fine pour être vraiment si docile. Tu triches bien, je te devine. Ouais, juste un mot à dire, ainsi soit-il. Est-ce que tu me veux? Pour un soupir de lassitude, tu ne me comprendras jamais. Pour moi, c'est comme une habitude. Je rêve encore l'amour entier, sans l'addition de solitude. Je ne sais rien vivre à moitié. Pour moi, c'est la seule certitude. Est-ce que tu me veux? Extrait de l'album de la semaine, Le cœur d'un homme, sorti le 12 novembre 2007. C'est avec le titre Je reviendrai dans tes bras. Par contre, Je reviendrai dans tes bras, alors là, il y a un casting de musiciens qui est complètement fou. Pas mal de musiciens avec lesquels vous aviez déjà travaillé, comme Abraham Laboriel Jr., batteur. Et puis là, j'ai eu le père. Le père, c'est rare. Et, oui, parce que vous savez, le père, c'est une star. C'est le meilleur bassiste du monde. C'est une star aux États-Unis, c'est une star partout dans le monde entier. Il a joué avec les plus grands. Et je crois que c'est la première fois, ou en tout cas, une des premières fois où le père et le fils jouent en même temps dans une séance de disques. All right, on y va. On y va. On y va. On y va. D'avoir la famille au complet, c'était vraiment, c'était très très touchant de les voir tous les deux se regarder. Doyle Bram Hall, on en a parlé tout à l'heure, musicien Clapton. Brian Ray, qui avait déjà joué avec vous et qui avait fait une petite infidélité sur la dernière tournée. Il était parti un peu avec McCartney. Oui, il est parti avec McCartney, bah, oui. Mais vous le partagez. Il avait un très beau contrat, je peux dire. Alors, on vous a surpris un peu dans l'enregistrement de lui parler de votre tournée de 2009 en disant, les répétitions, on commencera là. Et puis, vous étiez en train de booker un peu tous vos musiciens parce qu'il y avait du monde ce jour-là. Vous savez, j'ai pris tellement de plaisir à faire cet album que finalement les musiciens avec qui j'ai travaillé sur cet album J'ai pris un peu d'avance en leur parlant de ma prochaine tournée, en leur disant que c'était un peu le style de musique que je voulais faire dans ma prochaine tournée, et en leur disant, écoutez, n'essayez de rien prendre en 2009 parce que vous serez avec moi. Il y a dans le cœur de tout homme un chasseur d'histoire qui sommeille. Un instinct fort qui vous assomme, vous prend de force et vous réveille. Je ne suis jamais resté en place, oh non, besoin de voir d'autres visages. Chanter sous le feu et la glace, vivre toujours sur un nuage. Mais chaque soir par la pensée, je prends ta main jusqu'à te voir. Et je vois nos deux corps danser, coulant de sueur. L'impression d'avoir tout donné, ça vous fout le blues jusqu'à pleurer. Et je me couche comme un enfant, sans dormir jusqu'à me maudire. Oh oui, j'ai trop souvent frôlé le vide. Je viens sans faire semblant de l'enfant. Je reviendrai dans tes bras avec de l'amour plein les mains. Je reviendrai dans tes bras parce que c'est là que je suis bien. Je suis moi dans tes bras. Oh oui, dans tes bras. Oh. Je reviendrai demain encore. Chanteur de variété, ça me vexe beaucoup. Parce que pour moi, c'est pas la musique que j'aime. Si pour survivre, je dois faire ou refaire de la variété, comme j'ai fait de temps en temps, eh ben, je préfère baisser mon froc et je préfère la variété. Johnny et les années 80. Programmation blues dans cette émission Johnny de A à Z, car ce soir l'album de la semaine est l'album Le cœur d'un homme, spécifiquement blues comme Johnny l'avait désiré. Voici un titre de 1984, Nashville Blues. Je veux t'emmener à Nashville, là où je ne suis pas né. Te montrer les rues de la ville, là où je n'ai jamais joué. Les copains d'enfance, la graine de violence, mon rêve coupé comme un blues. Je veux t'emmener à Nashville, là où je ne suis pas né. Écoutez Johnny de A à Z ici sur RIG le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Revenons à nouveau sur l'album de la semaine, Le cœur d'un homme, paru le 12 novembre 2007. Allons sur l'enregistrement du titre T'aimer mal, si mal. C'est vrai qu'on est dans une couleur dans cet album, et puis d'un seul coup on est vraiment dans le blues traditionnel quand il y a la venue de Taj Mahal. Ah oui, mais Taj Mahal, vous savez, c'est un de mes bluesmen préférés, et il a eu la gentillesse de me dire tout de suite, oh oui, ça, je vais absolument jouer de la guitare pour Johnny dans son album de blues, parce qu'il avait entendu la version que j'avais faite il y a quelques années de Tony Joad, La guitare fait mal. Et puis quand il y était, pendant qu'il y était, je lui dis, mais tu parles cajun, toi, tu parles un peu français. Il fait, je parle pas trop bien, mais bon, avec son accent américain. Et je lui dis, j'aimerais bien que tu fasses un couplet. Elle va te rendre fou à partir au matin. Donc il a chanté un couplet en français, qu'il a écrit phonétiquement pour l'accent. Et puis bon, je trouve qu'il s'en est bien sorti, parce qu'il parle pas, il parle presque pas français, il parle cajun. Elle va te rendre fou à partir au matin. Vous avez besoin d'aide peut-être. Pardon ? Vous avez besoin d'aide peut-être. Ça va, mais c'est toujours bien d'avoir le patron avec nous. You need some help, maybe. C'est un homme d'une générosité incroyable, qui est arrivé, comme c'est, qui nous a pris vraiment, littéralement, subjugué, donné tout ce qu'il avait, tout ce qu'il pouvait nous donner. Et on a vécu, c'est vrai, une journée dont on se souviendra tout le temps. Au début de la séance, il s'amuse avec une contrebasse. Bon, après, il fait la guitare. Ça. Ouais, c'est un génie. Ça. Et j'ai l'harmonica. Oh, et puis c'est tout ce que j'aime comme musique. Ouais. Il fait de l'harmonica, il fait tout. Pas besoin que tu parles. Regarde-moi. Ouais. Fromage. Oui, pour moi. Moi, j'ai deux gardes du corps. Ouais. Ouais, ça sent avec les poings. Super, celle-là. Tu vas m'aimer si mal que je serai fou de toi. Tu vas me faire du mal en dormant près de moi. Je veux sentir ta peau et te serrer contre moi. Je vais t'haïr si bien que je serai fou de toi. Et coule dans tes veines mon opium et ma peine. Je veux sentir ta bouche te coller à ma peau. Et qui dans tes caresses le rivage d'ivresse des mois. À l'encre de nos nuits, efface ma détresse, dessine-moi.

Programmation blues dans l'émission Johnny de A à Z ce soir sur RIG avec l'album de la semaine, Le cœur d'un homme. On va écouter un autre extrait de cet album-là avec la participation de Michel Mallory sur le titre Chavirer les foules. Vous êtes très fidèle en fait parce qu'un album de blues, sans faire une petite référence à quelqu'un avec qui vous travaillez depuis longtemps, je parlais de Michel Mallory, vous ne l'auriez peut-être pas fait. Vous vouliez absolument avoir une chanson de lui dans l'album. Oui, parce qu'on avait commencé à l'époque, il y a ça assez longtemps, j'avais fait cette musique. De toute la musique que j'aime, et lui m'avait écrit le texte. Et puis, c'est une chanson qui a toujours plu aux gens. C'est vrai que je n'ai jamais pu, en spectacle, enlever cette chanson de mon tour de chant. Les gens l'attendent. Les gens l'attendent au même titre qu'ils attendaient Que je t'aime, ou Gabriel, ou des chansons comme ça. Et c'était bien de boucler la boucle. Chavirer les foules, l'expression me plaisait. Le mieux, c'est de la faire, de la proposer dans cette énergie, finalement, très simple, très contenu, mais avec comme ça beaucoup de vigueur et du dobro et de l'harmonica. C'est vrai que cette chanson fait partie de la même famille que toute la musique que j'aime. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais disons que c'est une fidélité par rapport à la chanson que nous avons faite il y a quelques années. On retrouve de nouveau John Hallyday à Taratata, c'était le 5 décembre 2007. Vous défendez son album Le cœur d'un homme et ce titre Chavirer les foules. Et mon écrit sur des musiques à l'encre bleue, à l'encre rouge. C'est comme une relation physique, comme un contact épidermique et qui fait que les choses bougent. Ça fait chavirer les foules. Chavirer les foules. Ça fait trembler les grilles, crier les filles. Chavirer les foules. Une idée forte sur un bon thème qui sonne bien, qui sonne actuel. Qui parle de nos problèmes, de nos amours et de nos peines, en un langage universel. Ça fait chavirer les foules. Et chavirer les foules. Ça fait tomber les grilles et hurler les filles. Chavirer les foules. La voix d'un chanteur qui se brise. Un gospel au fond d'une église, une guitare qui improvise sur un vieux blues en mi majeur. Ça fait chavirer les foules. Chavirer les foules. Ça fait qui tue sur les murs, qu'il soit de haine ou bien d'amour. C'est comme un mélange magique avec un pouvoir érotique qui fonctionne depuis toujours. Oh, et ça fait chavirer les foules. Oui, chavirer les foules. Ça fait plier les grilles, aimer les filles. et les années 60. Quand je monte sur scène, je n'ai plus d'appréhension sur rien. J'ai confiance. Date de 1965 et est extrait de l'album Johnny Chantalidé. C'était Toi qui t'en vas. L'album de la semaine, c'est Le cœur d'un homme, et cet album a été mixé par Bob Clairmontaine et réalisé par Yvan Cassard, qui signe également donc les arrangements. Revenons donc sur Bob Clairmontaine. Alors on peut pas dissocier non plus ce travail, c'est un travail aussi de plusieurs personnes évidemment. Vous étiez nombreux pour cet album, mais il y a aussi Bob Clairmontaine. Bob Clairmontaine, c'est un génie du son, c'est un génie du mix. Moi, j'adore travailler avec lui. C'est lui qui mixe d'ailleurs les Stones, qui mixe. Il mixe tous les grands, enfin tous ceux qu'on aime nous. I really enjoy the way he's singing on this. I think it's a very interesting direction for him, and it's a very appealing from my point of view. Il voulait être là, il voulait faire partie de cette aventure. Il m'a dit à la fin de nos 15 jours de mix, You Made a Fantastic Album, je crois qu'il était super content d'être là, très fier de ce qu'on avait fait ensemble. Il a une façon très spéciale de mixer, je voudrais quand même l'expliquer. C'est qu'en général, un preneur de son, quand on mixe une chanson en studio, on mixe le son des musiciens, c'est-à-dire la guitare, la batterie, la basse, le piano, etc. Et quand tout est mixé, on incorpore la voix et on mixe la voix par rapport au mixage des musiciens. Clermontaine fait tout à fait le contraire. Il mixe la voix et autour de la voix, il amène les musiciens à fur et à mesure pour mixer la musique autour de la voix. C'est une autre conception. Et finalement, ça rend des mix assez bien réussis. It has a very live feel to this album, and I mean, it really it feels like a group of musicians in a room with Johnny sitting at the center performing the songs live, and in a lot of cases I believe that was true too, and I tried to mix the album with that in mind, where, you know, I tried to put them all in the same, pretty much the same environment. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. J'espère que vous avez compris ce qu'avait dit Bob Clearmountain. Il a voulu faire un album où Johnny se sentait comme dans un groupe et Johnny chantait au centre et donnait performance. On retrouve Johnny Hallyday, tu sais, lors des Sunday Rock en 1984 en duo avec Bill Duren. Laisse-moi une chance. encore un blues terrible de Johnny Hallyday en 1984 lors des Sunday Rock en duo avec Bill Doreham sur le titre, donc Laisse-moi une chance. On arrive au dernier extrait de l'album de la semaine qui est Le cœur d'un homme, paru le 12 novembre 2007. Et le dernier titre que je vous propose, c'est Ce que j'ai fait de ma vie. On arrive donc à l'enregistrement de ce titre. Et qu'au départ, ce que j'ai fait de ma vie, c'était un rythme blues. Il y avait des cuivres très, très, comment dire, un petit peu comme fait, ce que fait Joe Cocker aujourd'hui. Tout me semble vide, comme un homme seul face à lui-même, sans plus aucun défi, et que plus rien n'étonne, comme si tout était écrit. Enfin s'abandonne, et j'ai fait quoi de ma vie. Je voulais enlever ce côté rhythm and blues pour que ce soit plus blues. Mais c'est quand même une chanson, c'est quand même une très belle chanson. On avait envie de la débarrasser de toute cette espèce de fausse emphase qu'aurait pu donner les cuivres, hein, et pour juste revenir à quelque chose de plus intériorisé. C'est pour ça que la base est plus piano que guitare. Et effectivement, on s'est accordé quelques notes de cordes juste pour nous dire, finalement nous expliquer ce qu'on est et nous dire voilà, quel est le sentiment qui nous anime. Ma vie, comme s'il fallait partir ce soir, faire un dernier tour, voir ce qu'on oublie autour de soi. Ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, des souvenirs qui perdent la mémoire. Comme refaisait l'histoire, refaisait l'amour. Tout me semble vide, comme un homme seul face à lui-même, sans plus aucun défi, et que plus rien n'étonne, comme si tout était écrit, qui enfin s'abandonne, et j'ai fait quoi de ma vie. Oui, j'ai fait quoi de ma vie? À quoi m'a-t-elle servi? Et à quoi j'aurais servi? Est-ce qu'on me pardonne? Est-ce qu'on m'a compris? Que pour une seule personne, c'est aujourd'hui ce que j'ai fait. De ce qu'on pouvait attendre de moi. Quand je regarde en arrière, je ne vois pas ce qu'il me reste à faire. Je peux fermer le passé, je peux m'en aller pour n'importe où. Comme s'il était temps de partir, je laisse la place des autres à venir. Même si je me dis tant pis, je n'ai pas tout réussi. Je pars sans regret, j'ai fait mon possible. Personne n'est parfait, à moins qu'il vienne me dire ce qu'il a fait de sa vie.

mine. Just some dust got in my eyes. S'achève cette émission Johnny 2 à Z avec l'album de la semaine Le cœur d'un homme sorti en 2007 et avec une programmation blues. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté cette émission et puis vous retrouverez prochainement le podcast ou dans toutes les bonnes places. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine avec une émission spéciale Nos chansons préférées de Johnny Hallyday avec Thibaut Geffrotin. Ce sera la semaine prochaine. Après, on parlera aussi de l'album Rock'n'Roll Attitude. Bientôt la sortie le 5 décembre et le 19 décembre. Bonne nuit à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao.